إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا ربكم اتقوا خالقكم وأكثروا من شكره على نعمه الظاهرة والباطنة المتتابعة والمتزايدة التي امتن الله بها عليكم ووهبكم إياها وجعلكم من أهلها رحمة منه تعالى بكم وإفضالا منه لكم وأجلها وأعظمها نعمة الهداية إلى الإسلام والإخراج من ظلمة الشرك ونجاسته إلى نور التوحيد وطهارته ومن طريق النار وعذابها إلى طريق الجنة ونعيمها فالحمد لله أن رحمنا وجعلنا ممن يؤمن به ولا يصرف العبادة إلا له وحده فله نركع وله نسجد ووحده ندعو ونستغيث ونستعيذ وله نذبح وننظر وغيرنا مشرك به وكافر يعبد وثنا أو يسجد لنار أو للشمس أو يتقرب ويخضع ويتذلل إلى بقرة أو يدعو وليا صالحا فيستغيث به ويطلب منه الفرج والمدد وزوال الشدائد أو يطوف لصاحب قبر أو يذبح له وينظر أو يعبد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وأمه فله ما يصلي ويسجد ويخضع ويتذلل ويتقرب وإليه ما يلجأ ويحتمي وبه ما ينتصر ويستنجد ومنه ما يطلب ما يحتاجه في دنياه وكشف ما به من ضر ومغفرة ذنوبه وآثامه يمننا عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرتجزون في غزوة الأحزاب وقت حفر الخندق ومحاصرة أهل الكفر لهم بهذه الكلمات اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أيها الناس إننا نشاهد في هذه الأيام احتفالات بعض الكفار في كثير من البلدان بعيد من ديننا وخصوصا ونحن نعيش في وسطهم ونراهم يحتفلون باحتفالاتهم الباطلة وللأسف يعني بعضنا يحتفل معهم ويشارك معهم في احتفالاتهم هذه المبنية على الشرك والكفر والضلال ودونكم وقفتان حول الأحكام المتعلقة بتهنئة الكفار، فأقول مستعينا بالله عز وجل: الوقفة الأولى عن تهنئة الكفار من جميع الملل بأعيادهم ومناسباتهم الدينية كعيد الميلاد، ميلاد المسيح، وعيد الفصح والنيروز وما شابهها. وهذه التهنئة محرمة باتفاق العلماء ولا خلاف بينهم في ذلك. وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، يعني يهنئهم بهذه الأشياء ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئهم بسجودهم للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الزنا ونحوه. وكثير ممن لا يقدر للدين عنده يقع في ذلك، يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله فيكم. تقربوا قليلا حتى يجد الذين يتأخرون يجدون المكان إن شاء الله. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما لأن فيها إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، ولكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتهنيتهم بهذا حرام، سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا. وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك، لأننا لسنا يعني لأننا لا نعتقد بهذه الأعياد، ولأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله، ولأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة، ولكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق. وقال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتهى كلامه رحمه الله. ومما تقدم من كلام أهل العلم يتبين لنا ضلال وانحراف بعض رموز ودعاة الصوفية أو من الأحزاب السياسية ذات المسميات الدينية، حيث نقرأ لهم عبر الصحف والمقالات، أو نسمعهم عبر الفضائيات والإذاعات يهنئون الكفار بأعيادهم الدينية، أو يفعلون ما هو أقبح من ذلك وأشنع وأجرم، فيبيحون للناس التهنئة بأعياد الكفار الدينية، وهم بهذا قد وقعوا في منكر عظيم وذنب شنيع، وخالفوا ما دلت عليه النصوص الشرعية وأجمع عليه العلماء في جميع الأمصار والأزمان ومن مختلف المذاهب من تحريم تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية وتحريم يعني هذه الأمور واضحة. الوقفة الثانية عن بعض الصور المحرمة التي تقع من بعض المسلمين في أثناء إقامة الكفار لأعيادهم الدينية. إن من الأفعال المحرمة والمنكرات الشنيعة التي تقع من بعض المسلمين أصلحهم الله في أوقات يعني أعياد الكفار أعيادهم الدينية، وهذه من الأمثلة: أولا إجابة دعوة الكفار إلى حضور هذه الأعياد، فترى بعض المسلمين يحضر معهم ويشاركهم في الفرحة والسرور ويهنئهم ويبارك لهم ويجلب لهم الهدايا. ثانيا إرسال بطاقات التهنئة بعيدهم، وقد تكون مصحوبة بالورود والزهور مذكورا فيها أجمل الكلمات. ثالثا إعلان تهنئة الكفار بأعيادهم عبر الفضائيات والجرائد أو المجلات والمواقع الإنترنت وغير ذلك، كما يفعله بعض رجالات الإعلام والمسؤولين والتجار والوجهاء والدكاترة وغيرهم. ولا شك أن كل هذا من الأمور التي تخالف الإسلام والشريعة، وقد زجر الله عباده المؤمنين عن الإعانة على المحرمات والمنكرات سواء كان فاعلها مسلما أو كافرا، فقال سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام، لأن هذا أعظم من تهنيتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها. وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة وتبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم، سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. انتهى كلامه. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا به في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحان الله كريم يا الله Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, votre Créateur, et remerciez-les pour ces nombreuses grâces qui sont apparentes et cachées, et qui se suivent et qui augmentent. Et il vous a fait la faveur, il vous a guidé, vous ainsi que vos familles, à une miséricorde qu'il vous a fait, et à une grande grâce, et la plus grande d'entre elles, c'est d'être guidé à l'islam, et de vous avoir fait sortir des ténèbres du shirk, et de son impureté vers la lumière de l'unicité d'Allah et du tawhid et de l'islam et de la pureté de cette religion. Et il vous a sauvé du chemin de l'enfer vers le chemin du paradis et de ses délices. Louange donc à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des croyants en cette voie et en cette religion. Il nous a fait parmi ceux qui vouent leur adoration uniquement à Allah et qui ne s'incline que pour Allah, et qui ne se prosterne que pour Allah, et qui n'invoque que Allah seul, et qui ne cherche secours lors des moments de détresse que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui cherche refuge qu'en Allah, et qui ne font des vœux, et qui n'égorge que pour Allah. Tandis que les autres parmi les êtres humains, qui suivent d'autres religions, sont des associateurs, qui font du shirk, et qui adore d'autres que Allah et qui renie la foi, qui adore des idoles, qui se prosterne devant le feu ou devant le soleil ou devant des idoles et qui se rapproche de ces idoles et qui se soumettent à elles et s'humilient devant elles, ou bien même à des vaches qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou bien ils invoquent des pieux, des hommes pieux ou des saints, des gens qu'ils considèrent comme étant saints, et ils cherchent secours en ces personnes au lieu de demander à Allah. Et ils demandent à ces êtres humains et à ces créatures de les sauver et de les délivrer de leurs malheurs et de leurs problèmes. Et ils adorent les tombes et ils font des circulations autour des tombes au lieu de demander à Allah et d'invoquer Allah et d'adorer Allah seul. Ils égorgent même des animaux pour les morts et pour les tombes. Et ils leur font des vœux, ils leur offrent des vœux. Il y en a d'autres aussi qui adorent Jésus, le fils de Marie, ainsi que sa mère. Et ils prient à Marie et à Jésus. Et ils se prosternent à Jésus. Et ils s'humilient et se rapprochent à Jésus au lieu d'adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Et quand ils ont des malheurs ou des problèmes, c'est vers Jésus qu'ils se retournent au lieu de se tourner vers le Créateur de Jésus, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils ont fait des péchés, pour demander pardon, au lieu de demander à Allah seul, ils demandent à Jésus ou à sa mère, ou ils vont voir le prêtre pour aller se confesser, pour lui demander de pardonner ses péchés. Toutes ces choses font partie des exemples de shirk. Et toutes ces choses sont des choses desquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a délivrés et nous a sauvés et préservés par la religion de l'islam. Et donc il n'y a pas de doute que c'est une grâce pour nous tous d'avoir été sauvés de ces égarements. Et même lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient réunis dans la bataille de Al-Khandaq et qu'ils creusaient les tranchées, et ils étaient ensemble en train de prononcer un poème en disant « Oh Allah, si ce n'était de toi, nous n'aurions pas été guidés et nous n'aurions pas donné en charité et nous n'aurions pas fait la prière. » C'est-à-dire, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que nous faisons ces choses. Et donc, on est témoin aujourd'hui des différentes fêtes que célèbrent les koufars et les mouchriquins, les gens qui adorent d'autres que Allah et qui associent à Allah des prophètes et des anges et des saints et des tombes et des images et des croix. Et c'est ça leur religion. Leur religion, c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et leurs célébrations et leurs fêtes religieuses sont basées sur l'idolâtrie et sur les superstitions et les mensonges. Et même dans leur propre religion, c'est des innovations. Et puis je peux même vous dire le témoignage de ma propre expérience, que même avant l'islam, même avant d'être musulman, lorsque j'étais chrétien et lorsque j'étais dans l'égarement, eh bien j'avais rejeté les pratiques que les chrétiens font, c'est-à-dire de croire en Noël. Beaucoup de gens qui sont chrétiens aujourd'hui, ils savent que les origines de la fête de Noël et de toutes ces fêtes religieuses chrétiennes, ça vient du paganisme et de l'idolâtrie. Ça ne vient pas des enseignements de Jésus, ça ne vient pas de l'enseignement des prophètes. Jésus n'a jamais fêté Noël, ni aucun d'entre les prophètes n'a jamais fêté Noël, ni aucun des compagnons de Jésus n'a jamais fêté Noël après lui. Ces fêtes et ces célébrations ont été innovées bien longtemps après. Et malheureusement, on retrouve même dans cette umma, la umma de l'islam, des musulmans qui ont essayé même d'imiter les chrétiens. Non seulement ils les suivent dans leurs célébrations, qui sont basées sur le faux et le mensonge, et ils célèbrent avec eux parfois Noël, alors que c'est interdit, et on voit qu'ils inventent même dans l'islam des fêtes qui ne font même pas partie de l'islam, et ils vont fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils rencontrent les musulmans ce jour-là, ils disent Mawlid Mubarak, alors que c'est une bid'a qui ne fait même pas partie de l'islam. Mais ceux qui ont inventé cette innovation, ils ont voulu imiter les chrétiens dans cette innovation-là. Ils ont dit, puisque les chrétiens fêtent Noël, nous on va fêter également un Noël mais musulman. Et donc ils ont fêté la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ce que les chrétiens faisaient à la base est une innovation dans leur propre religion. On n'a jamais entendu parler de célébrer la naissance de Moïse, ni de la naissance d'Abraham, ni de la naissance d'Isaac, ou de Jacob, ou de Suleyman, ou de Daoud, ou aucun d'entre les prophètes d'Allah. Et ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fêté la fête d'aucun prophète pendant sa vie. Et ni après, les sahaba n'ont jamais fait ça. Et certains parmi les égarés aujourd'hui, parmi les gens qui suivent les voies de l'innovation, ils disent oui, mais c'est une bonne innovation, c'est une bonne bid'a. Il n'y a pas de bonne bid'a. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin fil nar. Donc toutes les innovations qui sont religieuses ou qui sont faites au nom de la religion, elles sont toutes mauvaises sans exception. Et donc il n'est pas permis aux musulmans de les célébrer. Que ce soit le Maulid Nabawi ou que ce soit les fêtes des juifs et des chrétiens ou des hindous ou des bouddhistes ou de n'importe quelle autre religion qui existe sur terre autre que l'islam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés au tawhid et à l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit comme il a mentionné dans le Coran, dans surat Al-Imran, il dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et au jour de la résurrection, il sera du nombre des perdants, peu importe quelle religion il suit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Et juste un point que je voulais rajouter, parce qu'en arabe je l'ai expliqué dans la khutba, j'ai oublié de le répéter en français, c'est que étant donné que nous on est en ce moment dans des pays non musulmans et eux ils fêtent en ce moment leur fête religieuse et leur fête leur célébration annuelle, et donc des gens qui sont des chrétiens ou juifs ou autres vous souhaitent joyeuses fêtes ou des choses comme ça, c'est pas permis pour nous de leur souhaiter bonne fête ou de les remercier ou de les féliciter pour leur fête, parce que ça équivaut à les féliciter pour leur fausse croyance et pour le shirk et le kufr qu'ils ont dans leur religion. Donc on ne doit pas les féliciter, on ne doit pas leur souhaiter des bonnes fêtes, leur donner des cadeaux, accepter leurs cadeaux ou bien participer dans ces célébrations-là, parce que nous on a notre religion et on a nos fêtes. Eux ils ont leur religion, ils ont leurs fêtes. Et on n'a pas à participer à leur fausses croyances ou à leurs fausses pratiques. Des croyances et des pratiques qui sont contraires à l'enseignement des prophètes d'Allah et des messagers d'Allah, et contraires même à l'enseignement des prophètes qu'Allah leur a envoyé à eux. Ils ont contredit l'enseignement de leurs propres prophètes. Et ils ont inventé dans leur propre religion. Alors comment on va les suivre dans l'égarement qu'ils suivent, alors que c'est en contradiction avec l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes précédents également. Donc ça c'est pour clarifier, parce que je ne l'ai pas répété dans la khutba en français, mais c'est quelque chose de très important, surtout qu'on vit avec eux et on travaille avec eux. Parfois au travail ou à l'école ou ailleurs, ils vont nous inviter à des fêtes. On n'a pas le droit d'y aller. Si c'est des fêtes de Noël ou des fêtes du jour de l'an ou des choses de ce genre, on n'a pas le droit de le faire et de participer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.